J'ai remis des câbles sur ma guitare parce que j'avais foutu des, je crois des 10-49 et ça frisait, c'était une horreur. Et là j'ai remis du 11-52. Sur la Takamine, j'ai des 11-54. Donc j'ai des bonnes mains. Puis je joue qu'en acoustique, moi. Je joue qu'au doigt, moi en plus. Je sais pas me servir d'un médiateur. Ça fait gros quand même. Tu vas bien à coulisses ? Thank you. Les cigarettes roulées, à chaque bouffée, faut les rallumer. John Henry. J'ai bien bossé à midi, mais ce soir, calme. Et c'est la fin du mois, ils ont plus de sous, les gens. Hein. Et moi non plus, par la même occasion. Thank you.